La direction d'édition des timbres d'État a fait paraître trois timbres individuels sur les sports aéronautiques. Sur les timbres, on voit un parachutiste qui atterrit sur le point de précision, des modèles à moteur d'acrobatie et d'art technique de guidage.